Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hada darsuna al-thani. On commence notre deuxième dars dans cette nouvelle série de cours. Et on a choisi hadhihi al-risala al-nafi'a. Usul al-da'wat al-salafiyya. Les Cheikh Abd al-Salam. ابن برجس رحمة الله عليه وسنقرأ إن شاء الله المقدمة il a démontré dans cette introduction pourquoi il a écrit cette risala et l'importance de connaître les fondements de ce manhaj لأن suivre une chose c'est مهم de connaître pourquoi on suit هذا c'est مهم أما suivre aveuglément ou se réclamer d'une chose, l'anna tout le monde se réclame, ou beaucoup de gens ils se réclament. Hada, c'est pas tayyib, la yamfa. On doit savoir pourquoi. Hada al-manhaj, c'est dinullah, al-haq. Et il est fondé sur des bases qu'on doit connaître. L'anna al-khalal, al-hasul. Toutes les fitan al-an, et les faiblesses dans certaines choses, et les manques, c'est lié à l'incompréhension de ces fondements. Mais si ces fondements qui sont cités huna et qui sont basés sur le Coran et la Sunna, et fuhimat hadhihi al-usul, tu verras que beaucoup de fitan, beaucoup de qil wa qal, beaucoup de mawqif, tu t'apercevras ce qu'il muhiq min al-mubtil, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, qui c'est qui s'accroche vraiment, qui c'est qui veut le bien aux autres. Ces fondements, ils sont fondés sur al-kitab et la Sunna. Et chacun de nous, on doit faire des efforts pour les comprendre. Wa Cheikh Abd Salam, rahimahullah, il a simplifié, il a cité une dizaine de fondements très simples en appuyant avec des versets du Coran, des hadiths, de la Sunna, des paroles de savants. Le résultat, il est nafi' jiddan. Fanaqra ma tayassara min al-muqaddimah. اليوم et le prochain dars بإذن الله عز وجل on commencera la lecture du premier fondement. قال رحمة الله عليه après avoir cité خطبة الحاجة قال أما بعد فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم وَلَقَدْ دَعَانِي لِجَمْعِهَا أَمْرَانْ ظَاهِرَانْ. Deux choses qui ont poussé le Cheikh à écrire ou à donner cette conférence sur les bases de ce manhaj الدعوة السلفية. الأمر الأول, premier point, مَا رَأَيْتُهُ وَرَاءَهُ غَيْرِي من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف. Il s'est aperçu, comme d'autres, أن الكثير, حتى des groupes égarés, ils prétendent suivre le salaf. Que ce soit قديما أو اليوم. Beaucoup de gens, ils prétendent suivre le salaf. قال أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال في الحاشية خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا شك أن الشك مسلم إلى هؤلاء الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أئمة السنة. لكن pour les suivre il faut des connaissances, il y a des moyens qui nous permettent de les suivre. لأن نحن الآن on vit à une époque qui est lointaine de la leur et on peut pas prendre directement العلم عنهم إلا leurs كتب, leurs livres, ce qu'ils ont laissé. لكن on est obligé de revenir aux savants de la sunna à notre époque qui ont compris هذا المنهج et qui ont compris سبيل هؤلاء. قال رحمة الله عليه فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل. Des égarés, munharifun, que ce soit في العقيدة, que ce soit في المنهج, ils contredisent le salaf, لكن ils propagent leur livre au nom de أهل السنة. أنهم, ils font partie des gens de la Sunna, أنهم ils suivent السلف. Cheikh Abd Salam, rahmatullah alayhi, يقول يدسون السم في العسل, du poison dans du miel. L'apparence c'est du khayr, أنهم ils aiment la Sunna, أنهم ils appellent à la Sunna, et باطنوا الأمر c'est الشر والفتن. قال ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. بعضهم ils ont du شر عيادا بالله, ils se cachent derrière ce nom, السنة السلفية أهل الحديث, on suit les salaf, et في الحقيقة ils ont un objectif bien précis. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي. فالعبرة بالحقيقة, c'est pas بمجرد الاسم كما نبه أهل العلم, ينبهون كثيرا عن هذا. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont à la sunna, لهم forcément ils sont à la sunna. C'est pas tous ceux qui disent on appelle à la voie des salaf, ils sont forcément à la manhaj al-salaf. Et la preuve de cela, c'est que أهل الحق يردون عليهم والحق واحد. Ça montre que forcément, un des deux groupes, ils sont pas à l'al-haq. فالآن كثير من الناس, ils se réclament, ou ils prétendent suivre le salaf. Et comme قال الشيخ عبد السلام, dans leurs livres, dans leurs audios, leur da'wa, elle est fondée sur al-mukhalafa للسلف الصالح. Donc العبرة c'est بماذا؟ C'est بهذه الأصول. Tout le monde peut se prétendre. الدعوة c'est من أسهل ما يكون. Tout le monde peut se dire je suis كذا et je représente كذا. لكن أصول الدعوة, دعوة هذا الشخص, sa دعوة elle est fondée sur ماذا؟ Il appelle à quoi? C'est quoi ses références? Et tu verras que كثير من هؤلاء, comme a dit le Cheikh Abd Salam, ils sont très très loin de la Sunna ou de l'Ahl Sunna. قال ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. صوفية ضلال. C'est من أبعد الناس عن السنة. Et صحيح أن بعضهم يديز أنهم يسويب السلف. أن التصوف سيفني دو السلف. Et c'est certain أنهم ils avaient du zuhd في العبادة et c'est sa طريقة السلف. Et صوفي هالك ils prétendent suivre السلف. وهكذا الخوارج, ils prétendent tout ce الشر qu'ils font, هذا الفساد والإفساد في الأرض, et ils prétendent أنه c'est طريقة السلف. المعتزلة, ils ont de l'égarement في الصفات في العقيدة, ils prétendent que c'est la voie des السلف. Enfin, c'est pour ça que c'est important pour nous. Le premier point, qu'est-ce qu'on retire? Akhil Karim, la taghtar bil asma. C'est comme un livre, la taghtar, la couverture. C'est quoi qui est important dans un livre? C'est la couverture ou le contenu? C'est le contenu. Hakada shakhs, hakada da'watu ayy shakhs. On peut donner un nom à une école, ou à un markaz, ou à un livre, ou une jama'a, et le contenu khalif le nom. فسي كوا المهم والمفيد معرفة هذه الحقيقة. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في تطهير الاعتقاد دنا مثال طيب أن l'importance c'est حقيقة الشيء لا التسمية. C'est pour ça que si لو سمي الخمر ماء, si واحد يدي l'alcool et l'appelle de l'eau, فماذا سيستفيد؟ Si boit la du haram, ولو si l'appelle cela de l'eau, et واحد si boit de l'eau et un autre il vient et dit fulani boit de l'alcool, la yadurru لأنه c'est de l'eau. Fa, c'est quoi l'ibra? Et c'est quoi la chose essentielle? C'est le contenu, c'est haqiqatu shay. Fa hadha al-manhaj as-salafi, il a des fondements. Hadha al-manhaj as-salafi, c'est tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'uh a'immat as-sunnah. Deuxième point, الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة. تستفيد من هذا, on revient au premier point avant de continuer, أن المسلم السني طالب العلم il doit connaître les fondements de la sunna qu'on va étudier ensemble inshallah ta'ala dans cette risala. كذلك ينبغي له أن يعرف أصول أهل البدع والضلال. Et si tu connais أصول أهل الشر والبدع والضلال et tu connais أصول أهل السنة, tu verras que ولله الحمد t'auras un mizan قوي pour peser les choses. C'est pas le premier qui vient et il farraq tout le monde. Le premier qui vient et il met des doutes à tout le monde. Là, ولله الحمد أصول أهل الشر, les bases des égarés, elles sont connues. Les bases des gens de la sunna, elles sont connues. Celui qui appelle à une chose, on pèse son kalam avec ses fondements. Si c'est des fondements de la sunna, alhamdulillah. Si c'est des fondements de ahlil bid'a wa dhalal, on rejette ka'inan man kan. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait walillahil hamd ma'a ikhwanina le dimanche ahyanan, quand on peut, des durus sur al-firaq al-dhalla et leurs fondements. Et on a choisi cette risala pour compléter. Hatta on étudie les fondements des égarés. Et on a fait quelques sectes. Al-Rafid, Al-Khawarij. Et on a fait Kadalik Al-Qadariya, Al-Jabriya, Al-Murji'a. Et la prochaine qu'on fera, Inch'Allah Ta'ala, ça sera Al-Jahmiya. Et ça c'est muhim. Et en même temps de connaître les fondements de Ahl al-Haq. Les An-Sharra, Man Jahila. رُبَّمَا وَقَعَ فِيهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي. Celui qui ne connaît pas un mal, رُبَّمَا il tombe dans ce mal, وَهُوَ لَا يَدْرِي. C'est comme un had qui marche dans l'obscurité, il y a des trous. رُبَّمَا يَقَعَ رُبَّمَا il tombe dans un trou, il ne sait pas, il fait nuit, il n'y a pas de lumière. فَهَاكَدَ الْجَهْلِ خَاصَةً à notre époque. أَنَّ أَهْلُ الْبِدَعِ ils sont bikatra. وَالْفِرَقَ elles sont partout. Et الْأَفْكَارَ elles sont mawjouda, présentes. Celui qui ne se préserve pas bi'idnillahi azza wa jalla avec l'ilm et le dua et en suivant هذا المنهج ربما يقع في فتن وشبهات هؤلاء. الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين لتحقيق هدف معين. فالأخ تلبيس ils ont deux moyens. Quand ils veulent égarer, faire du mal, c'est le premier point. Ils disent que nous aussi, on suit la sunnah. Il va dire je suis un mubtadi, un dhal, un munharif. Ils sont dans beaucoup d'endroits et tu les entends souvent. Ahl-sunnah, al-salaf. بعض الناس ils se font avoir min hada al-bab. Deuxième point, قال التعلق ببعض أهل السنة والجماعة. أنا je suis شيخ أنتل. Je suis l'élève de شيخ أنتل. تستفيد من هذا إن شاء الله تعالى. Si ton شيخ il est à la sunna, tu le suis à la sunna. ولا تتعصب. لأن le شيخ, qui qu'il soit, il n'est pas معصوم. أما faire des bid'a, s'autoriser des choses, ne pas écouter le nasiha, rejeter le haq, بحجه انا مع الشيخ فلان هذا لا ينفع. احيانا c'est pas vrai, le cheikh il a jamais dit ça, فانتبهوا. Et احيانا c'est vrai et le cheikh c'est pas une hujja بالاتفاق. Le cheikh c'est pas son kalam, c'est pas min al-wahy, لا son kalam il nous explique le wahy. فان اصاب on prend وان اخطا on rejette. Et si c'est un savant de la sunna, نحبه ونحترمه كما قال الامام مالك رحمه الله عليه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. On prend la parole de quiconque, on peut rejeter la parole de quiconque sauf celle de notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد السلام إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلق به وهو في الحقيقة بريء كل البراء من هذا التعلق ولكي يكون الكلام واضحا فإنني أقول. Il va citer un exemple. Et ça c'est من حسن فقه هذا الشيخ. Il cite un كلام. Et في الحقيقة أحيانا الكلام خاصة quand c'est dans des sujets d'actualité مثل هذا واحد il peut comprendre كذا واحد il peut dire le شيخ il vise un tel. Il va citer un مثال واضح. قال إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه المفتي سابقا المفتي كتي أفان الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المشايخ الشيخ بن باز إمام في السنة il était قوي في دينه il avait une دعوة عظيمة c'était le مفتي de المملكة العربية السعودية فالإخوان à son époque et son époque ça remonte à pour vous donner un aperçu, une cinquantaine d'années, là, ou akthar. Fa da'wat al-ikhwan, elle n'était pas encore connue partout. Anna, c'est une da'wat shar wa fitna. Fa ils se sont accrochés kathiran au mufti, le Cheikh Mohammed bin Ibrahim, rahmatullah alayhi. Fima yusammounahu bil-hakimiyya. Da'iman, il tourne autour de ce sujet, ha'oula ad-dullal, al-hakimiyya. Da'iman, kalamuhum, c'est fil hukam. فلان لا يحكم بما أنزل الله فلان أيضا شبهات في هذا استفادوها من السيد قطب المنحرف يبقى البكود الحاكمية يجوجي بقى للواد الله dans son تفسير لكن avec des شبهات de خوارج بل son كلام il est واضح كلام واضح كلام الخوارج قال فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة. Ce كلام tu le comprendras جيدا si tu connais الآن la situation de l'Ikhwan que ce soit في المملكة أو autre. فضحوا أنفسهم à l'époque ils prétendaient suivre et prendre مسألة الحاكمية من المفتي الآن انظر toutes les fitaines qu'ils ont fait في بلاد المسلمين ولله الحمد كثير من الناس ils ont compris le sort de cette jama'a لكن au départ c'était pas aussi simple فلهذا et ça c'est une فائدة tu peux trouver un savant de la sunna à cette époque كان يزكي هذه الجماعة لأن le sort il était pas encore واضح أما علماء الآن المعاصرون الآن qui sont à notre époque فالحمد لله يردون على هذه الجماعة قال ومن ثم جاوز الخروج عليها وكذبوا عليه وافتروا والله فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه حتى ils ont prétendu أن المفتي يكفر الدولة مع أنه هو il est avec الدولة ولله الحمد c'était un représentant de la الدولة هناك في المملكة مع هذا ils ont essayé de prendre son كلام et de l'appliquer أن تلك الدولة qui appliquent لله الحمد الشريعة إلى يومنا هذا أنهم لا يحكمون بما أنزل الله et si tu as compris هذا tu comprendras toutes les fitaines qu'ils ont fait après cette époque ce qu'ils appellent الربيع العربي toutes les fitaines qu'ils ont fait في دول المسلمين fondées sur هذا الأصل الحاكمية toujours ils tournent autour de ce sujet ثم يغند كفار لحكام ثم ils autorisent les manifestations et la conclusion c'est le fitan والشر à cause de qui de cette جماعة الإخوان المسلمون وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا أي في النصيحة sur trois points et il a cité cette مسألة وذكر موقفه من ولاة الأمور أو من ولاة الأمر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى Est-ce que هؤلاء المبتدعة ils ont suivi le شيخ في هذا أبدا اعلم أن المبتدع الحزبي المنحرف il prend من كلام أهل العلم ما يوافق هوا quand ça l'intéresse quand c'est pour lui il va prendre il va propager quand c'est plus pour lui إما الطعن إما va critiquer إما il va se taire il donne plus aucune importance à ce شيخ c'est ça le هوا أما السني الموفق il prend الحق si c'est un savant de la sunna, même s'il trompe, il lui donne sa menzila. Et il n'oublie pas al-khayl. Amma al-mubtadi'a fala. Imma ils exagèrent, imma ils délaissent le shir complètement. Wa atta'a. Fahadha al-kalam alladhi sattarahu shir fi tilka al-risala. Wa amthaluhu huwa min salb mawdu'u juhud al-shir fi al-hakimiyya. Lakin al-qawm kalladhina wada'u. أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزنا إلى آخره إلى سيتي في الحاشية الحديث هكذا أهل الأهواء إلى سيتي الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. Deux hommes à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم من اليهود, أو un homme et une femme à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont fait zina. Enfin, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé qu'ils emmènent la Torah et on regarde ce qu'il y a dans la Torah et on l'applique sur haoula. Et في التوراة, dans leur livre, il y avait آيات الرجم, et qui doivent être lapidés. فأحد هؤلاء اليهود il a emmené la Torah et il a caché avec sa main le verset آيات الرجم. هكذا أهل الأهواء تشبه باليهود. Il a caché devant tout le monde, devant Rasoul, devant, il y avait Abdullah ibn Salam, le Sahab al-Jalil qui connaît la Torah, et il a caché le verset حتى la sentence n'allait pas appliquer sur هؤلاء. هكذا أهل البدع. Ils prennent من كلام أهل العلم بل من الكتاب والسنة ce qui les arrange. Et on verra un asl azim. Un salafi, un sunni, il prend les textes du Coran et de la sunna et il s'écarte de la hawa, des passions. Thumma qal, la page suivante. A'oudhu fa aqul. Lama ra'aytu hadha al-amal al-mushin min hadhihi al-jama'at athara ala ba'd al-shababina wa khada'ahum bimithli hadhihi al-shi'arat. Quand il a vu l'ikhwan, il faisait du mal aux jeunes, des choubins, et ils égaraient kathir min al-shabab, il a décidé d'écrire هذه الرسالة نصحاً للأمة نصيحة, surtout pour les jeunes, pour طلبة العلم. C'est une نصيحة طيبة. قال بها يتميز أهل الحق من غيرهم يتميز السلفي حقا من المدعى من المدعي الكاذب. التمييز, التميز, différencier. C'est pas tous ceux qui disent appartenir à une chose, alors ils font partie de cette chose. لابد, on revient au départ. Est-ce que هذا الإنسان vraiment il applique cette chose, il suit cette chose أم لا. وتقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة notre درس précédent, القرآن حجة لك أو عليك. Pourtant les deux يحفظون القرآن. Un c'est une حجة pour lui, c'est en sa faveur يوم القيامة. Un autre c'est contre lui. C'est quoi qui fait la différence? Pourtant les deux ils récitent, les deux ils connaissent, les deux ils ont appris. La différence c'est le contenu. أن هذا il applique et هذا il a appris et il applique pas. Et il veut pas appliquer, il veut pas apprendre. C'est ça le فرق. قال فإن فئاما من الناس أي طائفة من الناس un groupe et امتطوا السلفية وهي منهم براء فالأشاعرة يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة صحيح حتى الإخوان. Ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani رحمة الله عليه, est-ce que l'Ikhwan ils sont من أهل السنة؟ فقال رحمة الله عليه كيف ils sont من أهل السنة ويحاربون أهل السنة. Ils combattent أهل السنة depuis des années et on va dire qu'ils font partie de أهل السنة. Celui qui connaît les fondements et va prendre le fondement فقط sur ولاة الأمور qu'on va voir, l'obéissance au gouverneur, c'est un fondement. من خالفه il sort de la سنة. الإخوان ils combattent les gouverneurs depuis des années إلى يوم القيامة, combattent les gouverneurs bi toutes les forces qu'ils ont. واحد il va venir, il va dire الإخوان ils sont من أهل السنة. On a pris un fondement فقط, on parle pas des autres العلماء, on parle pas de beaucoup de points qu'on citera. قال وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. نعم. Tous ces fondements qu'il a cités, qu'on va lire ensemble inshallah, متفق عليها, l'unanimité des savants. C'est pas des مسائل où il y a des خلاف. Ce n'est pas des masaïl où tu as le choix. Tashtahid, tu prends ou tu ne prends pas. Là, ça c'est des abouab fil aqid, comme on va voir. La but min al-akhd viha ou al-thabat. Il n'y a pas de place pour la vie personnelle ou abadan. Fi hada al-hal al-insan, il dit sami'na ou ata'na. Et il yatawakkal ala Allah ou yasbir. Qala. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن, إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين, فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي. هذا سنتنبيه مهم. السلفية Et celui qui suit ce manhaj, c'est un salafi, c'est pas un groupe qui appelle à une pensée d'une personne. On va suivre un shir. Là, as-salafiyya, c'est dinul haq, dinullah. Et ça, c'est important. Il y en a beaucoup de gens, ils entendent as-salafi, ils pensent que c'est un. Il fait partie d'un hizb parmi les ahzab. Hada, c'est un ikhwani, hada, c'est un tabliri, hada, c'est un salafi. Pardon, ils font la comparaison à kada. Là, as-salafiyya, c'est dinul haq. C'est ceux qui suivent as-salaf as-salih. As-salaf as-salih, c'est le sahaba et ceux qui sont venus après. Bien comprendre هذا لكن اعداء الله que ce soit الكفرة ou le منافقون ils combattent هذه الدعوة et ils essayent de faire croire que c'est une invention de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou une invention de Cheikh al-Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Pourquoi بعض الناس ils sont touchés par cette شبهة? لأنهم ils connaissent pas ces أصول. بعضهم ils pensent que Salafi c'est واحد qui suit Cheikh al-Islam et il يتعصب له et ça s'arrête là. Il est dur sur certaines choses et il fait que critiquer les autres. Bahdoum, il pense que c'est ça. Il connaîtrait les fondements qu'on va lire ensemble, inshallah, il s'apercevrait que Salafi c'est al-muslim al-salih, al-sunni, al-islam comme il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait des efforts bi qadri ma yastati. Lakin on revient daiman al-jahl. قال لا نفرق بين احد واحد هذا المنهج c'est pour tout le monde. Celui qui obéit, qui se soumet, qui suit ses usul, c'est un salafi. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa taille, quelle que soit son origine. قال وليس لنا ارتباط بغير ولاة امرنا من حكام وعلماء. Et ça c'est min abraz sifat as-salafiyyin. أنهم ils ont دائما ce lien avec ولاة الأمور الحكام والعلماء. احذر أخي الكريم de tous ceux qui essayent de toucher à ces deux points الحكام والعلماء لأن الله عز وجل أمرنا بطاعتهم. Bien sûr في طاعته عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et vous allez voir qu'il l'a cité dans un fondement طاعة ولاة الأمور. قال ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا. هذا كذلك c'est من أوصاف السلفيين أنهم ils ont rien à cacher. Leurs دروس, leurs livres, ce qu'ils disent entre eux ou en public chez eux ou au masjid, الحمد لله ils ont rien à cacher. أما أهل البدع والتحزب quand ils sont entre eux ils ont un موقف et quand ils sont en public ils ont un autre mawqif, ils ont des autres paroles. Amma as-sunni la alhamdulillah il est ala bayyina min amrih manhajuhu wadih et alhamdulillah il a rien à cacher. Qala wa nahnu la nukhfi shay'an mimma indana bal ma nahnu alayh mudawwanun fil kutub masmu'un fil ashrita fala sirriya wala tanzim siwa tanzim walil amr. Amma un autre tanzim, un tanzim, c'est un groupe avec un raïs, avec un guide, un président, avec des membres et des choses secrètes. Ayyadun billah. Sunni, il n'a pas ça. Son amir, c'est Wali al-Amr, c'est le hakim. On est dans un pays musulman, notre amir, c'est le roi. On a quelque chose, quelqu'un nous fait une injustice, alhamdulillah. Il y a une dawla. On est responsable, on a des devoirs. On n'a pas besoin de faire des choses en secret, abadan, comme ils font Ahlul Bida' wa Dalal. قال مسموع في الأشرطة فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا. هذا c'est مهم pour طالب العلم. والله toutes ces fitans que vous voyez et que vous entendez أن بعض الناس ils sont pas à leur place. On est dans une époque الآن on vit خاصة avec هذه المصيبة de internet, des réseaux sociaux, Anna, tout le monde parle. Hada, il critique les gouverneurs. Hada, il critique les ulama. Hada, il rentre dans une chose qu'il ne maîtrise pas. Le petit parle, la femme, elle parle, l'homme, il parle. Et ça s'est mélangé. Amma sunni al-muwaffaq, il est da'iman bi-irtibat bi mashayikhi wa ulama'ih. Ulama al-milla, ulama al-sunna. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses, Robama, tu penses que c'est un char. Et t'as pas vu qu'il y a une mafsada rubama a'zam ou il y a une maslaha que tu connais pas, muhim, des choses. Khassatan, nous à notre niveau. Là, t'as le premier qui vient s'asseoir devant vous, il a fait deux durous, يحسن بعض الكلمات باللغة يكون أو دو حديث خلاص أمر رجع اتقوا الله مراجع الأمة sont connus à l'époque aujourd'hui الحمد لله أما il y a un ta'awun entre nous et quand il y a des choses الحمد لله des choses importantes il y a des références des sources laquelle on doit revenir et c'est ça qui va nous unir. Amma, demain je dis une parole, l'akh il va dire une deuxième, l'akh il a une troisième compréhension, l'akh il n'est pas d'accord. Wallahi, on ne fait pas attention, mais hadihi al-jama'a, en une semaine, un mois, tatafarraq. Et ça arrive dans beaucoup de buldan, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays, ils avaient des doros, jama'a, thumma une shubha divise tout le monde. Hada il est d'accord, hada il n'est pas d'accord. Amma, un minimum de ilm, revenir à ses usul, revenir à ulama, sunna, sans ta'assub comme on va voir. Sans ta'assub, l'haq c'est l'haq. Le kalam du shir, c'est pas forcément, il n'est pas forcément acceptable. Là. Il peut se tromper. Lakin, cette démarche revenir, elle est muhim. Si ce shir, il n'a pas la réponse, un deuxième, il l'aura. Amma, la coupure entre shabab ou l'ulama, ça fait des fitan. L'imam ali anna shab, il est obligé de revenir à quelque chose. Là, s'il ne revient pas à l'ulama, sunna, il reviendra à l'al-bida'i wa dalal. C'est obligé. C'est ce qui arrive là. Aucun contact avec l'ulama, nuit et jour sur Internet. ثم فلان سادوين خارجي فلان إلى دشبوه هاد داعش فلان إلى دشبوه هاد أشاعرة والله بعضهم أكوز دانترنت plus d'irtibat مع أهل العلم on nous a fait montrer أن بعضهم بدعة الرافضة الزندقة pourquoi الشاب comme toi il a grandi en France comme toi il a allé au masjid comme toi et du jour au lendemain il insulte عائشة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم il les insulte رافضي قح. Pourquoi ? Internet est livré à lui-même et Ahl al-Bida', ils l'ont pris. Wala yahamoun. On fait attention à hada. C'est pour ça que le Cheikh, il insiste. Et vous allez voir qu'il y a un fondement sur ça, sur Ahl al-Ilm. Qala, il a nakhtasir, wa na'khud al-an min ulama'ina al-ma'rufin bis sunna alladhina lam yatalattakhu bi awdhar al-Bida' wa lam yatalabbasu bi shay' min al-hawa wa hum kuthur wa lillahi al-hamd wal minna. هكذا السني يبخفت دو أهل العلم ايسو موجودين إلى السيتي منهم قال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشيخ محمد بن صالح العزيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الأطرم والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبد العزيز أهل الشيخ والشيخ بكر أبو زيد والشيخ صالح بن محمد اللحيدة وغيرهم من إخوانهم العلماء ممن صار على شاكلتهم نعم على سبيل المثال سبع على سبيل الحصر المهم أن الشاب يدوى كونت خسكي العلماء يدوى غوفنير العلماء إياك وإياك تفي للشوز تسل تا أدخي لغاب تطلب العلم الحمد لله تكون مساك مخوض احذر دو vouloir faire les choses tout seul مهما بلغت من العلم تا besoin de أهل العلم إسه طريقة السلف أبو سعيد الخضري رضي الله عنه quand il a vu في مسجد بني حنيفة في العراق هؤلاء qu'ils ont fait des حلق في المسجد des groupes et يسبحون en groupe إلى آخره la bid'a qu'ils ont inventé أبو سعيد الخضري il a pas dit un mot حتى il est parti voir ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه أنه c'était أعلم الناس dans ce مكان à son époque il est parti le voir يا أبو عبد الرحمن j'ai vu لآخره الحديث هكذا ils étaient. Amma nahnu l'an, tout le monde parle, tumma, la fitna, tu ne sais plus d'où la prendre. Hada il a écrit, hada il a parlé, hada. Et après, c'est très difficile à régler. Al-hikma, al-hikma. Fala'bud. Qala, wa ghayruhum min ikhwanihim al-ulama, mimma sara ala shakilatihim, wa nahnu la na'taqid fihim al-isma. Ça, c'est important. Quand vous entendez, alim min ulama al-sunna, insister, mitl al-shir. Abd Salam, rahmatullah alayhi, insister, revenir à Sunnah, ça ne veut pas dire qu'ils sont ma'asoum. Bien comprendre, revenir au Kitab et à la Sunnah, c'est l'asr, la compréhension des salafs, lakin pour comprendre ces deux sources, le Kitab ou la Sunnah, à la fin des salafs, tu es obligé de passer par ha'oula. On n'a pas les moyens, on n'a pas leur ittala, on n'a pas leur expérience, on n'a pas étudié comme eux. Enfin, pourquoi se priver d'eux ? Fait le haqiqa, fi dunya, on emploie hada, da'iman. Fitonia, il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Tu ne connais pas tout. Tu es obligé de passer par Ahl al-Khibra. Que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans tous les domaines. Alhamdulillah, si tu maîtrises une chose, tu vas la faire seul. Si tu ne maîtrises pas, tu reviens à Ahl al-Khibra. Bel fil Qur'an al-Karim, qala Azza wa Jal, fas'alu Ahl al-Dhikr, in kuntum la ta'lamun. À ce point, il est muhim, lakin, on n'a pas cette croyance. Et ba'dhum, même ils disent qu'ils n'ont pas cette croyance, le haqiqa, leur mu'amala, c'est ala hada, ka anna ce sheikh, il est ma'asoum. Là. C'est pour ça que Cheikh Abdeslam, il a cité une liste de savants. Thumma, il a dit, et certains des autres qu'on n'a pas cités. Ça te montre, anna, awwalan, la nata'assab à un, et kada, et qu'ils ne sont pas ma'asoum. Ahyanan, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, on prend son qaw. Ahyanan, on prend pas son qaw, on prend celui de Cheikh Al-Albani. Ahyanan, on prend celui de Cheikh Salah Al-Fawzan, ou hakada. Qala. بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان ونحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم المهم أنه سنسني أنه إلى على الجادة أنه إلى بلو كتاب على السنة فالحمد لله نستفيد منه ينفي attention à deux catégories أهل البدع والشر والتحزب on prend rien عنهم. Et كذلك المجهولين. Faites attention à ce deuxième point. مجهولون ما أحد يدري من أين جاء. Et ça arrive beaucoup كذلك avec هذا المرض, avec internet. Du jour au lendemain, Fulan, il a des doros, madri, personne sait d'où il vient, et tu trouves أمة من الناس يستفيدون منه. À la fin, عالم من علماء السنة أو un شيخ من المشايخ. وفقه الله عز وجل il sort un rad أنه سامنحرف أنه قال أنه قال. Tu trouves une umma entière à le suivre. بعضهم ils vont le laisser mais توفيق الله, et d'autres c'est fini, ils vont dire là il a du khayr il a akhiri. C'est quoi la base? Prendre l'ilm عن المجهولين. Cette liste ولله الحمد d'autres ça te suffit. Il y en a envie à une époque de fitna. كذلك ننصح الإخوان أن quand il revient savant il a le موقف الصحيح انه يستكروش با زياده كانه سنبي لا لا tu reviens à lui tu l'aimes في الله لانه il appelle au حق il est pas معصوم. Et si il s'égare لانه il est pas à l'abri فانت tu le suis pas لذاته tu le suivais لانه il appelle au حق il appelle au باطل j'ai plus à le suivre quel qu'il soit. قال ونحن نعتني بالعلم قرأناه ونقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن السعدي ونزاسيتي ولله الحمد dans notre درس précédent. ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقرأ سائر كتبه رحمه الله ونقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونعنى بكتب أئمة الدعوة من شيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. المهم les livres des gens de la sunna. Et كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم c'est من أنفع ما يكون pour طالب العلم لأنهم ils ont pris علم السلف et ils l'ont détaillé, ils l'ont expliqué ولله الحمد, ils l'ont traité dans beaucoup de sujets. C'est les deux imams, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et bien sûr d'autres. Al-Muhim, c'est que ce soit un savant de la sunna. L'importance du ilm. Cheikh Abdussalam, il te montre la gravité de Ahl al-Bida'a. Et il te montre Talbis Ahl al-Bida'a, on a lu. Thumma, il te montre l'importance de revenir au savant. C'est Muhim. Et il te montre l'ilm, kadalik. Limada, li'anna, revenir au savant, c'est tayyib, lakin, fais attention de ne pas faire comme certains délaisser l'ilm. Robama, tu vas suivre le savant, il se trompe, tu te trompes, il s'égare, tu t'égares. Revenir au savant, c'est tayyib, et faire des efforts fil ilm, kadalik, les deux. Qala, wa na'tani, en bas de la page, wa na'tani bin nahu wa sarf. Ahada, c'est muhim. Walillahi alhamd, dans nos durous de samedi, on a commencé une série de cours fihada. Sallallahu tawfiq. Lianna, talib al-ilm, il doit revenir au Qur'an et à la sunnah. Le Coran et la Sunna sont en langue arabe. Les traductions, ça va t'aider au départ, mais ça ne fera jamais de هذا الإنسان طالب علم فضلا عال. Ça l'aide, c'est bien au départ, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas adapté, tu ne peux pas tout traduire. Et beaucoup de livres ne sont pas traduits. Et tu ne peux pas prendre directement un أهل العلم, ils ne parlent pas en langue française. Fais la bout de la langue arabe. On doit faire des efforts. Que ce soit في النحو, que ce soit في الصرف, que ce soit في التعبير المفردات, c'est important pour les non-arabophones. هذا الباب il est important. Faire des efforts en langue arabe. قال وننظر في كتب الأدب والشعر كذلك علم العقيدة c'est مهم comme on a cité علم العربية علم التوحيد الأخلاق. السلفي يعتني بهذه الأمور كلها. السلفي بالحقيقة ça doit être un exemple pour le مجتمع. في في العقيدة في التوحيد في الأخلاق لماذا لأن الناس quand ils voient un salafi s'il a des manques dans une chose vous avez remarqué ils pointent du doigt et ils font du mal à la da'wa bihada enfin, chacun de nous il doit ressentir le mas'ouliya je fais des efforts fais, pas pour les gens pour hadhihi da'wa c'est dinullah tawhid aqida comportement tout ça bien sûr l'insan il va s'améliorer avec l'ilm قال وندعو الناس الى اصلاح انفسهم باصلاح عقائدهم واخلاقهم وبالاجتهاد في العباده كذلك السلفي سنور في المجتمع اصلاح نفسه et كذلك اصلاح غيره en commençant par ses proches voilà il ينبغي ان on fait des efforts في العلم on fait des efforts في الدعوه on fait des efforts dans la langue arabe الى اخره et notre famille elle profite en rien de cela هذا c'est pas min al ma'ruf ils ont un haq sur nous même si c'est des kafara Ils ont un haq. On doit leur montrer. خاصه المسائل التوحيد والعقيده ونحث على تطبيق السنن ونشجع على احيائها ونعتقد ان من سعى الى ايجاد سلفيه حزبيه على نمط الجماعات الحزبيه الموجوده فقد اخطا واننا منه براء السلفيه elle a pas besoin de réforme elle a pas besoin d'un nouveau tanzim ابدا As-salafiyya qui était à l'époque de l'imam Malik, c'est la salafiyya d'aujourd'hui. Kitabun wa sunna ala fahmi salaf. Pas besoin de rajouter. Dinullah wahid. Et tabi'u wa la tabtadi'u. Hakada qala ibn Mas'ud. On n'a pas besoin de bid'a d'inventer. Celui qui ne peut pas, il n'a pas besoin d'inventer. Tu ne peux pas remettre en question. Tu n'arrives pas, la yukallifullahu nafsan, la yukallifullahu nafsan la wuz'aha. Amma inventer, vouloir changer, là. Ça c'est mina sha'na al-ikhwan al-muflisin. أنهم دائما ريفورمي اي سون في ضياع قال فهذه جملة ما نحن عليه نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا هو التفصيل وهذا هو تفصيل أصولنا أو تفصيل بعضها إلى ستة الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين Premier fondement, al-inaya, al-ihtimam, donner de l'importance à ce ilm. Pourquoi il a cité le premier asl al-ilm ? Lianna, c'est asl hadha al-khayr. Lianna, l'obéissance au gouverneur, c'est fondé sur l'ilm. Suivre le kitab wa sunna, c'est fondé sur l'ilm. Revenir aux savants, c'est fondé sur l'ilm. La première chose, c'est l'ilm. Chacun selon son niveau. Celui qui ne peut pas at-tafarrugh, à y faire que ça, au moins une partie de sa journée. والموفق من وفقه الله عز وجل ان شاء الله jeudi on commence الاصل الاول continuer كذلك الحفظ va continuer les motons qu'on avait appris dans les dorus précédents et la récitation كما اخبرت الاخ ça sera samedi vu que le dors d'arabe on a un peu de temps on fera de la récitation celui qui veut الاخ il a demandé il veut réciter les 40 nawawi qu'il a fini inshallah chaque samedi il récite ma sha'a ma yassar Allah et hakada celui qui veut c'est muhim hada de s'entraider fi hada al-bab thumma ceux qui ont fini ils ont fini le matn qu'ils ont on en reparlera samedi hatta celui qui veut un autre matn inshallah on lui dira quoi apprendre hayyakum Allah